Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Géraldine Dimbard découvre l'aventure en faisant le tour de la Crimée seule en autostop. Auteure franco-britannique, spécialiste de la Russie, Géraldine Dimbard effectue son premier voyage en Russie en 92. Depuis, elle s'est passionnée par ce pays et y retourne régulièrement. Son ouvrage, Seule sur le Transsibérien, Mille et une vies de Moscou à Vladivostok, publié chez Transboréal, relate un périple de 4 mois en Sibérie, 23 000 km par le Transsibérien, avec de nombreuses échappées dans la steppe et la taïga, en bateau, en bus, en autostop. Là, sur la table, un bouquin. Géraldine, bonjour Géraldine. Bonjour. Je viens de vous rencontrer sur le stand de Transboréal avec devant vous une pile de bouquins. Ça s'intitule « Seul sur le Transsibérien ». C'est plutôt en fait Russie d'Europe, Sibérie occidentale, Sibérie orientale, Extrême-Orient. La Russie est un pays immense, on a du mal à l'imaginer, 17 millions de kilomètres carrés, c'est 31 fois la France, c'est un pays océanique. Et en fait, la voie ferrée, le Transsibérien, couvre 9288 kilomètres dans un pays qui compte 12 fuseaux horaires. C'est absolument incroyable. Alors rien que le nom, le Transsibérien, on a tous entendu parler de ces lignes de chemin de fer mythiques, et celle-là en fait partie. Ben, on va la traverser, on va y aller avec vous, on va recréer cette dimension à travers le son. On va essayer de s'imaginer le Transsibérien. Mais avant de monter dans le train, j'ai envie de savoir qui est Géraldine et qu'est-ce qui l'a amené un jour à se dire « Tiens, ben, ce train m'attire, m'intéresse, j'ai envie d'y aller ». Alors, c'est une très belle histoire. En fait, je suis d'origine anglaise et lorsque j'étais petite à Londres, j'étais très attirée par un atlas de ma mère qui présentait l'Union soviétique en rouge. Et à l'époque, pendant la guerre froide, c'était considéré un territoire interdit. Le monde interdit où il ne fallait pas aller, où il ne fallait pas s'aventurer. Et en fait, moi, ça m'attirait. Donc, dès l'âge de 12 ans, en 1984, j'ai décidé d'apprendre le russe. Ensuite, l'Union soviétique a connu les transformations que l'on connaît avec la perestroïka, l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, la chute de l'Union soviétique. Et j'ai réalisé mon premier voyage en 92 et j'ai été emballée. Et 2 ans plus tard, j'ai fait une rencontre incroyable, bouleversante, à la gare Yaroslav. J'ai rencontré Alexandre Solzhenitsyn, prix Nobel de la littérature, un homme absolument extraordinaire, qui avait tenu à retrouver sa patrie en traversant le pays de Vladivostok à Moscou pendant 2 mois. Alors que pendant des années, il avait vécu en exil aux États-Unis, il avait décidé de faire ce voyage. Et lorsque je l'ai rencontré, ça a été un petit peu comme un coup de foudre. Non seulement parce que j'avais une infinie admiration pour cet homme qui avait passé 7 ans dans les camps pour avoir critiqué Staline dans une lettre à un ami. Mais ça a été aussi un coup de foudre parce que j'ai trouvé cette initiative à son âge, il avait plus de 70 ans, très belle. Il avait vu avant la Russie à travers la fenêtre d'un wagon de prisonniers lorsqu'il était parti en camp. Et là, il avait décidé de faire ce périple en train pour retrouver ses compatriotes, pour renouer le dialogue et tout simplement pour vivre la Russie. Donc vous, en fait, c'est pas tellement le Transsibérien, c'est la Russie à l'origine. Hein. L'origine de ce voyage, c'est vraiment la culture russophone. C'est tout à fait la culture russophone, puisque j'ai grandi à la maison avec beaucoup de littérature russe, beaucoup de musique russe, puisque ma grand-mère était ballerine au Covent Garden Royal Ballet et qu'elle me faisait écouter à longueur de journée les ballets de Roméo et Juliette, de Prokofiev, Casse-Noisette, Tchaïkovski, Stravinsky aussi. Enfin, j'étais complètement obsédée par la Russie, déjà petite. Alors qu'en Angleterre, à l'époque, Il ne fallait pas s'intéresser à l'Union soviétique, c'était considéré une hérésie, en fait, je peux le dire. Il ne faut pas oublier que j'ai en fait grandi dans un pays sous Margaret Thatcher, dans un pays où le Parti communiste n'existait pas, où on ne parlait pas russe, on ne s'intéressait pas à la Russie. Et en fait, lorsque M. Gorbatchev a rencontré pour la première fois Mme Thatcher, en 86, elle a dit cette phrase qui est restée très célèbre, elle a dit « He is a man we can do business with ». On peut faire des affaires avec cet homme. Et là, les gens ont commencé à s'intéresser à l'Union soviétique, à la Russie, à ce pays immense, nébuleux. Et ça a été pour moi l'occasion rêvée pour aborder enfin ce voyage dont je rêvais depuis des années. Traverser la Russie jusqu'à Vladivostok, mais pas en 7 jours et 6 nuits comme le propose le Transsibérien aujourd'hui, mais pendant 4 mois, pendant très longtemps, afin de saisir la réalité du pays, saisir ce que vivent les gens au jour le jour en Russie, et tout simplement absorber le pays, la réalité russe, qui est fascinante. C'est marrant cet attrait qu'on peut avoir pour une partie du monde. Hein, certains, ce sera à l'Afrique, on va se mettre à faire du djembé, d'autres, on va s'intéresser à la politique. C'est incroyable. Pourquoi, finalement, la Russie n'est pas ailleurs? Est-ce que vous l'avez analysé, ça? En fait, c'est une question qu'on me pose souvent et que je n'arrive toujours pas à expliquer. Parce que ça fait 20 ans que... Qu'est-ce que je dis? Ça fait 30 ans que je m'intéresse... À ce pays, je crois que c'est avant tout la démesure, le fait que c'est le plus grand pays du monde. Il est gigantesque. Je crois que c'est lié aussi à une certaine démesure dans l'âme slave. Les Russes sont des êtres passionnés, alors peut-être que je m'y retrouve, c'est possible. J'arrive à donner... Excusez-moi, j'ai du mal à donner une explication rationnelle. En fait, je fonctionne beaucoup avec le cœur. Je ne suis pas photographe, je ne suis pas cinéaste, je ne suis pas particulièrement écrivain. J'ai rapporté un récit de ce voyage. Je suis simplement à la base un être humain avec le cœur qui bat pour un pays immense. Le russe, vous me disiez que vous avez pris le temps de l'apprendre, donc aujourd'hui, enfin, ou plutôt pour ce long voyage de 4 mois seul sur le Transsibérien. Est-ce que vous le parliez? Oui, je ne suis pas sûre que j'aurais pu tenir 4 mois seul en Russie sans parler la langue. Donc pour moi, c'était vraiment indispensable. Cela m'a permis de nouer des rencontres très chaleureuses tout au long du voyage avec des gens très différents, tantôt des cheminots, tantôt des vétérans. Tantôt des artistes, tantôt des aviateurs, tantôt des chasseurs-pêcheurs, tantôt des nouveaux riches, enfin des gens très très différents à chaque fois. Et cela m'a permis aussi de rapporter un témoignage concret sur une société en mutation permanente où coexistent deux générations fascinantes, l'une soviétique détachée du monde matériel, détachée de la doctrine capitaliste, libérale, et l'autre génération post-soviétique, celle qui a déjà 20 ans, qui n'a pas connu l'Union soviétique, pour qui l'Union soviétique relève de la science-fiction, ça qui est incroyable, cette génération-là, elle a d'autres valeurs, donc beaucoup plus matérielles, beaucoup plus proches de la société de consommation. Et j'ai trouvé cela important de rapporter des paroles de ces personnes-là, parce qu'on vit, sans le savoir, une période historique qui est vraiment fascinante. Dans 50 ans, il n'y aura plus de soviétiques. Tout le monde aura oublié l'Union soviétique. À l'échelle de l'histoire, l'Union soviétique, 70 ans de communisme, c'est rien. Donc ça m'a paru, outre une très belle aventure, ça m'a semblé important de rapporter un témoignage sur la Russie actuelle. Thank you. Le voyage, c'est le goût de l'aventure, c'est le goût du risque, c'est l'envie d'aller de l'avant sans avoir peur de ce qui nous attend. Je pense que le passé, quand il est passé, doit être évacué, doit être oublié. On ne sait rien de ce qui nous attend. Il ne faut rien espérer d'ailleurs de ce qui va venir, du futur. Mais ne jamais oublier que le présent est à nous et qu'il faut profiter de l'instant présent au maximum. Je crois que c'est ça que le voyage m'a appris. Petit à petit, on finit par oublier la vie trépidante de la ville au fur et à mesure qu'on gagne les campagnes de Sibérie en train, la taïga, le lac Baïkal, qui est le lac le plus profond, le plus beau aussi, je pense, au monde. Mais je ne me suis pas enfermée dans une cabane pendant 6 mois. J'ai continué l'aventure jusqu'à Vladivostok. Donc vous êtes resté en Russie, vous n'avez pas pris, parce que transsibérien, après Irkoutsk, je crois qu'on peut soit choisir d'aller vers Pékin, soit aller vers Vladivostok, il y a plusieurs voies. Le transsibérien, si je ne me trompe pas, ce n'est pas un train, c'est juste une voie. C'est une voie, effectivement, c'est la plus longue voie ferrée du monde, qui couvre 9288 km et 7 fuseaux horaires. On peut faire le voyage en 7 jours et 6 nuits, je l'ai fait pendant 4 mois. Cela dit, j'ai pris des trains différents très régulièrement. Au début, j'avais pris le train Rassia, qui est un train qui couvre la ligne entière de Moscou à Vladivostok d'un trait. Et au fur et à mesure de mes escales, je me suis sentie plus en confiance et j'ai finalement fait un tiers du voyage en troisième classe, puisqu'on peut faire également le voyage en troisième classe dans des compartiments qui ne sont pas fermés, mais en fait dans un wagon qui est entièrement ouvert avec une cinquantaine de personnes qui dorment ensemble. Donc cela donne une ambiance très chaleureuse, un peu comme une colonie de vacances. On va le décrire, ce train, on va rentrer dedans ensemble. Donc vous avez utilisé un nom, je n'ai pas retenu le nom du train qui fait le... Le train Rassia. Voilà, donc on va rentrer dans le train Rassia. En partant de Moscou, comment il est ce train? Ce qui diffère des trains qu'on a chez nous en Europe ou en France? Ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, dans chaque wagon, vous avez 2 pravodniki ou pravodnitsa qui s'occupent de vous. Alors, qu'est-ce qu'un pravodnik? Il s'agit en fait d'un contrôleur qui est là, qui veille sur vous pendant toute la durée de votre voyage. Alors, ils sont habituellement par 2, ça peut être un homme et une femme ou 2 femmes, rarement 2 hommes, mais à chaque fois que vous prenez le train en Russie, que vous traversez la Sibérie, vous avez 2 personnes qui s'occupent entièrement de vous dans le wagon. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, le contrôleur est à la fois celui qui contrôle les papiers, mais qui vous apporte également des tasses de thé pour boire du thé pendant des milliers de kilomètres. Il est là également en tant que psychothérapeute, si jamais vous souhaitez raconter votre vie, échanger. Et c'est ce qui rend le voyage en fait très humain. Parce que ces gens-là, qui travaillent dans le train, ces pravodniki, font ce métier-là souvent depuis des années et des années. Et ils ne peuvent pas imaginer une autre vie que celle passée dans un train. Donc ils font très souvent le trajet 2 fois par mois, donc c'est quand même presque 10 000 km 2 fois par mois. Une semaine, ils font le voyage, une semaine au repos, une semaine, ils recommencent, et à nouveau le repos. Donc ils ont le temps d'écouter les gens, de rencontrer beaucoup de personnes différentes, de parler de la vie, de parler des rêves, de parler des choses qui sont vraiment importantes finalement dans une vie, parce que la vie elle est très courte. Et qu'est-ce qui la rend intéressante ? C'est pas le travail que l'on fait, je pense pas. Ce qui rend la vie intéressante, c'est les rêves que l'on nourrit et la possibilité de les réaliser. Alors j'ai l'image du côté très social dans le train, dans le wagon, dans les wagons. Enfin, je vois ici en France, il y a les wagons, ben on se tait. Enfin, souvent, il n'y a pas beaucoup d'ambiance dans un train en France. À part peut-être maintenant certains... C'est chacun pour soi, c'est très introspectif prendre le train aujourd'hui. Comment c'est en Russie ? En Russie, ça n'a rien à voir. Le train, c'est comme une deuxième maison. C'est une maison sur roues. Et cela commence en fait dès le début du voyage, puisque les gens se changent, ils changent de tenue vestimentaire, ils troquent leurs habits pour un survêtement, ils mettent des chaussons, ce qu'on appelle des tapochki en russe. Ils vont tout de suite fumer une cigarette dans le couloir, baisser la vitre pour admirer les paysages de forêt, de steppe. L'ambiance est très bon enfant, je dirais, et on passe son temps à parler, à boire, à manger, voire chanter aussi. Cela rend l'atmosphère dans le transsibérien très, très chaleureuse, on sent comme chez soi, en fait. Et c'est vrai qu'on trouve quelque chose qu'on ne trouve plus du tout en France aujourd'hui. Et c'est peut-être cela que je cherchais finalement. C'est une ambiance que l'on a peut-être connue dans l'après-guerre, en France, dans les trains, lorsque le TGV n'existait pas, lorsque les gens communiquaient. C'est quelque chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est très triste. Moi, personnellement, lorsque je prends le TGV, je suis à l'avance... mal, parce que je sais que ce sera pas facile de nouer des rencontres, de dialoguer, de parler, parce que les gens ont leur iPod dans les oreilles, ou ils travaillent sur leur ordinateur, ils sont fermés. Et je crois que quelque part, la vitesse du TGV nous coupe un peu le souffle, nous empêche de parler. On se sent un peu étreint par l'angoisse, finalement, dans un TGV. Moi, j'ai du mal. Alors qu'il y a un côté beaucoup plus convivial, beaucoup plus lent, peut-être la lenteur qui va délier les langues, mais aussi ce côté, quand on rentre dans ce train, on sait qu'on va y passer un certain temps. Le TGV, c'est quand même relativement rapide. Et là, on se donne le temps, peut-être aussi, d'être plus soi-même, de se livrer face à l'autre et de créer un lien, parce qu'on a le temps, justement, de vivre la rencontre. Là, vous abordez une question qui est essentielle, celle du temps. Effectivement, dès qu'on quitte Moscou en transsibérien, le temps n'existe plus en fait. Bien qu'on traverse 7 fuseaux horaires, c'est considérable, le temps n'existe plus. Alors qu'en France, on est obsédé par le temps sans arrêt. Moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que depuis ce voyage en transsibérien pendant 4 mois, je suis rentrée avec l'envie d'oublier le temps. Et pour cela, je ne porte plus de montre depuis 10 ans. Je n'ai pas de téléphone portable et je vis très bien. Je suis parfaitement sereine parce qu'en accord en moi-même. Par rapport à cette notion du temps toujours, donc tu disais le transsibérien couvre 7 fuseaux horaires, donc on n'arrive même pas à savoir quelle heure il est. On peut poser la question, mais on ne sait pas où on en est au niveau des fuseaux. C'est un vrai casse-tête. On n'a aucune idée de l'heure qu'il fait en fait dans un transsibérien. C'est ça qui rend l'aventure aussi excitante, aussi palpitante, parce qu'on oublie tous nos repères. Et c'est vrai qu'on vit dans une société qui est obsédée par le temps sans arrêt. Moi, je rêve en fait d'une vie dans un monde où le temps n'existe plus. J'ai remarqué qu'à Moscou, il y a beaucoup d'immeubles modernes maintenant qui sont construits avec des horloges numériques sur la façade de l'immeuble. Et je trouve ça profondément angoissant. J'aime l'idée que l'on peut vivre sans temps, sans horloge. To the day. phrase africaine que j'aime bien répéter, où là-bas les Africains nous disent « Vous en Europe, vous avez la montre, et nous en Afrique, on a le temps. » C'est très beau. On a le temps, on a tout le temps en fait. Ouais, c'est très beau. C'est peut-être ça aussi, dans le Transsibérien, on a le temps. On prend le temps de se rencontrer, on prend le temps de vivre, parce qu'on est emprise sur rien. On est juste lancé sur cette voie. On n'a aucun moyen d'agir sur quoi que ce soit. Exactement. J'aurais aimé avoir le courage de m'enfermer dans une cabane en Sibérie comme Sylvain Tesson l'a fait pendant 6 mois pour justement faire une expérience du temps, de la solitude, de l'immensité, de l'espace. Mais je n'aurais jamais pu le faire pour la simple raison que je suis incapable de rester seule très longtemps. Je suis un peu comme la jument, j'ai besoin de vivre en troupeau, je ne peux pas être isolée, c'est absolument impossible. Maintenant, je pense qu'il existe également d'autres façons de rapporter cette expérience du temps à bord d'un train. C'est idéal parce que dans un train, comme je l'ai signalé, on oublie le temps. On ne sait jamais quelle heure il est, donc c'est une façon très agréable d'oublier le temps, l'heure, les calendriers, tout cela n'a plus aucune importance finalement. On va retourner dans notre wagon, on est dans le train, ça y est, on est dans le transsibérien. Et la première question que je me pose c'est, mais qui prend le transsibérien et pourquoi ? Qui prend le transsibérien aujourd'hui ? Beaucoup de militaires, puisque le transsibérien est un moyen de transport gratuit pour les militaires en Russie. Donc il y en a beaucoup qui traversent toute la Russie pour retrouver soit leur caserne, soit leur famille. Donc c'est clair que lorsque vous partagez votre compartiment avec des militaires, vous ne pouvez pas échapper à la vodka. Donc j'ai connu quelques situations assez cocasses avec eux. On rencontre également beaucoup de familles qui traversent le pays pour retrouver un oncle ou une tante qu'ils n'ont pas vu depuis des années en raison de la crise. On rencontre aussi beaucoup de jeunes qui font leurs études à l'autre bout du pays. On ne rencontre pas beaucoup de touristes. D'ailleurs, je n'en ai pas rencontré un seul pendant tout mon voyage. J'ai rencontré que des Russes. On rencontre aussi quelques personnes âgées, mais pas trop. Elles ont tendance à rester chez elles, dans leur maison, à vivre au jour le jour. Et sinon, on rencontre également des couples avec enfants. Ils n'ont pas peur d'aborder la Russie dans un train pendant plusieurs jours avec des enfants en bas âge. Moi, je sais que j'aurais du mal. J'ai 2 enfants de 3 ans et 5 ans et je ne suis pas sûre que j'aurais le courage de les prendre tout de suite en transsibérien, parce que c'est quand même un très long voyage. Il faut avoir beaucoup de patience et puis il faut surtout pouvoir occuper les enfants pendant ce temps-là. Je me rends compte ou je prends conscience que finalement, une fois qu'on est dans le transsibérien, c'est un peu un habitat mobile, c'est un peu comme une maison qui se déplace sur les rails, mais c'est aussi un lieu de rencontre, c'est aussi le lieu où on va manger, le restaurant, c'est le lieu où on va faire sa toilette, j'imagine, ça devient le lieu de vie. C'est un lieu de vie, c'est une deuxième maison, c'est un endroit où l'on se sent bien, mais vraiment bien, parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas besoin d'être dans l'apparence, en fait. On est soi-même, et tout de suite, parce que spontanément, on partage avec les gens qui sont dans le compartiment. Vous remarquerez que dans le transsibérien, la tablette qui vous accueille est 3 fois plus grande que celle dans les trains de la SNCF. Il y a une vraie tablette pour poser les provisions, pour poser les bouteilles de vodka, de bière, du poulet, du poisson, des graines de tournesol, du miel, enfin toutes sortes de choses pour partager et pour vivre la vie comme une fête. Parce que c'est ça la vie. En Russie, la vie est une fête. Même s'il y a la crise, tous les jours, les Russes font la fête. Et c'est là qu'ils nous donnent une vraie leçon de vie. Parce qu'en France, on a tendance à beaucoup se plaindre, malheureusement, sans se rendre compte de la chance que l'on a de vivre dans un pays où la sécurité sociale existe, où l'on est quand même pas mal assisté par l'État. Là-bas, en Russie, c'est tout autre chose. C'est une vie qui est vraiment très dure, très très dure. J'ai envie de finir là-dessus, savoir si c'est vrai. Vodka connecting people. C'est totalement vrai. En ce qui me concerne, Je n'ai jamais autant bu de vodka que pendant ce voyage en train à travers tout le pays pendant 4 mois. Ça a été un formidable moyen pour nouer des rencontres, mais je dirais aussi pour vider son sac, parce qu'en fait, là-bas, la psychanalyse n'existe pas. On aborde la psychanalyse en trinquant à la vodka, ou au cognac d'ailleurs. Je pense que c'est une façon très belle d'à la fois célébrer la vie et de répondre à cette question essentielle. Qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Qu'est-ce qui fait que lorsque je mourrai, j'aurai des souvenirs inoubliables? Voilà. C'est vraiment, c'est concentrer toute son énergie sur des projets de vie, des rêves qui seront exaucés. Je pense que c'est ça qui rend la vie vraiment belle, en fait. Ce que je retiens aussi de cet entretien, de cet échange, c'est que finalement, prendre le train, c'est un voyage en soi. C'est un voyage en soi, oui. C'est un voyage en soi et un voyage au cœur de nous-mêmes. Je pense que l'homme porte l'immensité en lui-même, mais qu'il ne le sait pas avant d'avoir accompli un voyage. C'est à la fin du voyage qu'on s'aperçoit toute l'immensité que l'on a en soi. Et en fait, c'est en écrivant l'histoire de ce voyage, seul sur le Transsibérien, que je me suis rendu compte à quel point le voyage m'avait agrandi, m'avait enrichi. J'avais l'impression d'avoir des centaines et des centaines d'âmes en moi à travers les rencontres que j'ai faites, mais j'avais l'impression aussi quelque part de m'être agrandie sur le plan personnel, peut-être d'avoir réussi à devenir un peu meilleure, d'avoir oublié certaines choses qui étaient considérées essentielles avant, à savoir le temps, justement, puisque je ne porte plus de montre depuis des années, et puis une très belle quiétude que j'espère répandre autour de moi maintenant à travers les rencontres et à travers ce livre, puisque avec ce livre, j'ai envie d'aider les autres à partir, de les encourager à partir, sans jamais oublier cette belle devise « Bonne volonté donne aile aux pieds ». Je crois que beaucoup de gens ne partent pas parce qu'ils ont peur. Et en fait, la peur est quelque chose qui est très vite évacué dès le premier jour du voyage. C'est quelque chose qui n'existe plus. Спасибо. Спасибо большое. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre. Sentir. Toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardeailleurs.org.